Et maintenant, on enchaîne avec le deuxième épisode du podcast de Vania Jaikin Miyazaki qui s'intitule « Mourir, c'est pas si grave ». Dans ce deuxième extrait de « Mourir, c'est pas si grave », nous partons en balade avec Diego Carrasco, un jeune médecin spécialisé dans le cancer du pancréas qui travaille aux soins palliatifs de la Fondation Champalimaud à Lisbonne. Diego, comment se muere bien? Diego, comment meurt-on bien? Essentiellement, pour pouvoir mourir dans la dignité, il s'agit de mourir sans douleur ou avec le moins de douleur possible. Et je parle ici de la douleur physique que nous arrivons presque toujours à faire diminuer, mais aussi de la douleur de l'âme. Si nous pouvons mourir sans douleur physique et sans douleur de l'âme, alors c'est une mort assez agréable. Comment mourir sans douleur de l'âme? En essayant de faire la paix avec cette douleur avant que notre heure ne vienne. Le but du médecin est de guérir. Et quand il n'a pas les moyens de guérir, il essaie de soulager. Et donc, nous aidons la personne à comprendre son processus pendant qu'elle est avec nous, à accepter sa maladie. Parce qu'une chose, c'est de lutter contre la maladie, mais c'en est une autre de ne pas l'accepter. Tu dois l'accepter. Enfin, disons que c'est l'idéal. Plus tu tardes à l'accepter, plus tu souffres. Parmi les nombreux patients que j'ai accompagnés dans leur processus de fin de vie, je peux dire que rares sont ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Et ceux qui sont en paix ont une mort beaucoup plus paisible que ceux qui ne le sont pas. J'ai des patients qui me disent, « Docteur, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma vie. J'étais heureux, j'ai une famille, j'ai voyagé, je me suis amusé. Ce que j'aimerais, c'est partir tranquille et sans souffrance. Comme si je m'endormais, disent-ils toujours. Que je m'endorme et que je me réveille de l'autre côté. » C'est tout le contraire avec les patients qui sont en colère, qui ont encore des choses à faire, tu vois. En vérité, la vie est une maladie palliative. Il n'y a pas de remède. Nous sommes condamnés. Et Dieu merci, parce que vivre éternellement... Ce que j'ai réalisé, c'est que dans la mesure où une personne est consciente de sa mortalité, que son temps de vie commence aujourd'hui et se terminera dans la seconde qui suit, ou à tout moment, cette personne souffre moins que la personne qui pense qu'elle ne mourra jamais et qui s'accroche à la vie. Les gens ne vivent pas leurs rêves parce qu'ils attendent trop longtemps en pensant que la vie est garantie. Mais non, la vie n'est pas garantie. Nous vivons dans ce corps qui nous a été prêté et qu'on nous reprendra à un moment donné. Il retournera à la terre. Dans la mesure où j'apprends de mes patients, le fait de savoir que je suis mortel me donne beaucoup de joie. Parce que lorsqu'on prend conscience de sa mortalité, on cesse d'avoir peur et ça nous libère. Et quand on est libre, eh bien, on est plus heureux. Je pense donc que dans la mesure où mes patients acceptent leur mortalité, ils sont beaucoup moins malheureux, pour ainsi dire. Et tu vois ce processus en évolution chez tes patients? Bien sûr. Notre objectif vise à faire entrer la personne et sa famille dans un processus d'acceptation maximale. Ce qui arrive souvent, c'est que le patient accepte, mais pas la famille. Quels sont les regrets que les gens ont le plus? Les gens ont pas mal de regrets en général. Celui de ne pas avoir plus voyagé, de ne pas avoir plus connu le monde, de ne pas avoir plus suivi leurs rêves, tu sais. Beaucoup de gens vivent la vie dans la peur et ne suivent pas leurs rêves. Aussi, j'ai remarqué que consciemment ou inconsciemment, les gens regrettent de ne pas avoir aimé davantage. De ne pas avoir plus aimé, c'est fou. Oui, à travers les différentes manifestations de l'amour, tu sais. De ne pas avoir plus profité de la vie. Pourquoi n'ai-je pas été plus heureux? Pourquoi est-ce que j'ai eu si peur de faire ceci? De ne pas avoir osé vivre la vie complètement? Exact, complètement, chacun à sa manière. J'ai beaucoup de personnes diagnostiquées qui veulent voyager, d'autres qui se soucient de leurs enfants. J'avais une grand-mère qui voulait plus de temps pour connaître ses arrière-petits-enfants. C'était une belle personne. Elle me disait, « Docteur, je veux rester encore pour connaître mes arrière-petits-enfants. Tu vois, pour voir sa famille grandir, ses enfants grandir. » Et bien entendu, quand ce sont des jeunes parents, avec des très jeunes enfants, là, c'est plus dramatique. En parlant des cultures, je vais te raconter. J'ai des patients des cultures très différentes. Et la façon dont ils se confrontent à la mort, les différents rituels funéraires sont très intéressants. Tu vois ça aussi, ou tu en entends parler? Bien sûr, parce que ce sont mes patients. Alors, ils t'en parlent? Non, je le vois. Je me déplace également au domicile des patients qui sont en fin de vie. Et là, je vois le rituel familial de chaque culture. Par exemple, mes patients d'origine hindoue, ou bien avec cette philosophie et cette religion-là, ont des processus de mort beaucoup plus calmes. Ils sont dans l'acceptation, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'ils voient la mort comme une libération de la souffrance physique. Cela signifie que le motif, la mission, disons, pour laquelle cet esprit, cette énergie ou cette âme est venue dans ce monde, a été accompli. Et peut maintenant passer au niveau suivant. Il voit donc cela avec une grande joie. Vraiment, de la joie. Eh bien, on ne peut pas dire que ce soit de la joie proprement parlée. Mais en comparaison, par exemple, avec la culture catholique apostolique, là, il y a de la souffrance. L'être est parti, il y a la culpabilité, chez les gitans aussi. Là, si j'ai bien compris, et c'est sans jugement aucun, plus il y a des drames, plus cela montre qu'on aimait la personne décédée. Chez les personnes d'origine africaine, il y a aussi beaucoup de démonstrations. Et là, c'est la tribu entière. Parfois, ils ne connaissent même pas le défunt, mais ils sont là. Ah, un patient que c'est impressionnant. Et un patient qui m'a impressionné, un homme chinois qui méditait, il devait avoir 70, 80 ans ou plus. C'est le seul patient que j'ai eu avec un cancer du pancréas, à qui je n'ai pas eu besoin de donner de la morphine ou des dérivés opioïdes. Impressionnant. Le seul. Il ne t'en a jamais demandé? Il n'en a jamais eu besoin. Il voyait les médicaments comme quelque chose qui allait empoisonner son corps, tu comprends? Je faisais déjà son accompagnement chez lui à la maison. Le jour de sa mort, le matin même, je suis allé le voir. Il était au lit en train de méditer. Il y avait de la musique, des arômes, des encens. Tu vois le genre? Une ambiance de méditation. Quand je suis entré, je me suis senti en paix. Et il était là. Il m'a dit, « Docteur, mes intestins ne fonctionnent plus depuis 2 ou 3 jours. Pouvez-vous m'aider ?» Alors oui, bien sûr, je lui ai administré quelque chose pour faire fonctionner ses intestins. Pour aller aux toilettes? Oui, il est allé aux toilettes, puis il s'est allongé là et il est mort. C'est le seul médicament, la seule drogue que je lui ai donnée. Impressionnant. Le seul patient à qui je n'ai pas eu besoin de donner de la morphine en grande quantité, parce que le cancer du pancréas est très douloureux. Alors oui, il y a beaucoup de différences culturelles, à la fois dans le processus de la maladie et dans le processus de la mort, selon la religion, la culture et la famille. À ce moment-là de l'histoire, j'ai compris que je n'aurais pas besoin de partir dans des contrées très reculées pour étudier notre rapport à la mort. Que ce qui se passe ici, à l'abri des regards et des oreilles, me semble inouï et d'une beauté qui détrône le silence qu'on s'impose, par convention, par éducation, parce que notre culture ne sait plus très bien s'y prendre avec cette partie-là de la vie. Ceci est un podcast en cours de fabrication. Il sera composé de 6 épisodes d'environ 30 minutes et sera diffusé quelque part dans la deuxième partie de l'année 2025. Il s'appellera « Mourir, c'est pas si grave ». Il s'agit d'une enquête, mais surtout d'une quête de sens qui cherche à comprendre ce qu'il advient de nous au moment de la mort et après. En tout, 3 extraits seront présentés ici à Radiozine et vendredi, nous organiserons une petite discussion autour du sujet de la mort. Je remercie le Fonds Gulliver, la RTS et la Ville de Genève pour leur soutien. Bonjour Vania. Merci beaucoup Vania. Bonjour, merci d'être avec nous. Mais non, tu parles pas trop, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle lentement parce que nous on parle vraiment très vite. Oui, enfin relativement, je pense que... Enfin moi en tout cas. Moi quand on se réécoute, oui. Je trouve qu'on on patine un peu, mais ça va, surtout moi. Du tout. On mettra tout en 1.5. C'est le moment d'annoncer le programme du jour et ensuite le partage d'écoute qui a déjà commencé dans le salon d'écoute. Précipitez-vous.